songe à rendre les clés. Il s'en va voir les filles. Nous marcherons quelques pas. Vous sortirez de chez moi. Ils s'en iront les tracas. Après avoir goûté ça. Et si on ouvrait les portes pour qu'aujourd'hui nous importe. Et si tu ouvrais la porte pour qu'aujourd'hui on s'en sort. Après s'être réveillés, ils ont dû abandonner. Vous vous manquerez, c'est ancré. Nous promettrons d'y penser. Ils marchent dans le couloir étroit. Tu l'aperçois et tu vois. Je m'en suis sorti grâce à moi. Après tout, ce n'est qu'un choix. Et si on ouvrait les portes, si on ouvrait les portes pour qu'aujourd'hui nous importe. Et si tu ouvrais la porte, si tu ouvrais la porte pour qu'aujourd'hui on s'en sort. Et si on ouvrait les portes, pour qu'aujourd'hui nous importe. Et si tu ouvrais la porte, si tu ouvrais la porte, pour qu'aujourd'hui on s'en sort.